Quentin Bayot lit un extrait du journal de Franz Kafka. 28 janvier 1922. Un peu étourdi, fatigué de luger. Il y a encore des armes que j'emploie bien rarement. Je parviens avec tant de peine jusqu'à elles. Je ne connais pas la joie que procure leur usage. Je ne l'ai pas apprise dans mon enfance. Et si je ne l'ai pas apprise, ce n'est pas seulement par la faute du père. C'est aussi parce que je voulais détruire la paix, l'équilibre, et que, en conséquence, je n'avais pas le droit de laisser quelqu'un renaître au-delà de moi, tandis que je m'efforçais de l'enterrer en deçà. Il est vrai que là encore, je reviens à la faute. Car pourquoi voulais-je sortir du monde? Parce qu'il ne me laissait pas vivre dans le monde, dans son monde. Maintenant, cependant, je ne peux plus en juger de façon aussi catégorique, car maintenant, je suis d'ores et déjà citoyen de cet autre monde qui est, avec le monde ordinaire, dans le même rapport que le désert avec une contrée agricole. Il y a 40 ans que j'erre au sortir de Canaan. C'est en étranger que je regarde derrière moi. Je suis assurément, même dans cet autre monde, le plus infime et le plus craintif de tous. C'est là le patrimoine que j'ai apporté, et je ne suis capable d'y vivre qu'en vertu de l'organisation spéciale des choses de là-bas, selon laquelle les plus humbles peuvent être élevés de façon fulgurante, aussi bien d'ailleurs que broyés pour des millénaires sous des pressions océaniques. Ne me faut-il pas être reconnaissant malgré tout? Devais-je donc nécessairement trouver le chemin qui mène à ce monde? Banni de là-bas, rejeté d'ici, n'aurais-je pu être écrasé à la frontière? La puissance de mon père n'a-t-elle pas donné au décret d'expulsion assez de force pour que rien ne puisse lui résister? À lui, mais pas à moi? Sans doute, c'est comme si j'accomplissais la pérégrination dans le désert à rebours, en me rapprochant continuellement du désert et en nourrissant des espoirs puérils, surtout en ce qui concerne les femmes. Peut-être resterai-je tout de même en Canaan, mais entre-temps, je suis arrivé depuis longtemps dans le désert, et ces espoirs ne sont que les chimères du désespoir, surtout en des temps où, même au désert, je suis la plus misérable des créatures et où Canaan doit nécessairement se présenter à moi comme l'unique terre d'espoir, car il n'y a pas de troisième terre pour les hommes.